Non, je ne plaide pas ainsi, juste par complaisance. T'es pâle tendance masculine, j'en suis la quintessence. À part peut-être dans un domaine, celui de la baston. Car faute de quelques centimètres, je reste bon garçon. Voit-on souvent des femmes se battre pour un regard oblique? Elles restent avec leurs états d'âme, question métaphysique. Mais nous les maudits mal. Un mal des mots. Plus lâche qu'un chacal, animal au sang chaud, plus velu qu'une migale, le plus requin des squales, le cœur sous les poils, tout comme l'artichaut. Les maudits mâles, un mal des mots, bellique ou vénal, le mal est souvent idiot, nous sommes les maudits mâles, un mal des mots, pas vraiment cérébral, mais toujours en démo. Moi-même après 20 ans, j'en suis le témoin. Le mal bien souvent restera de la moquette. C'est toujours à celui qui pissera le plus loin. On jouera la revanche à la descente de canette. Voit-on souvent des femmes comparer leurs parties intimes? Les émanations disgracieuses typiquement masculines. Car nous les maudits mâles, un mal des mots. Lâche qu'un chacal, animal au sang chaud, plus velu qu'une migale, le plus requin des squales, le cœur sous les poils, tout comme l'artichaut. Les maudits mâles, un mal des mots, bellique ou vénal, le mal est souvent idiot, nous sommes les maudits mâles, un mal des mots, pas vraiment cérébral, mais toujours en démo. Pour les pires d'entre nous, l'automobile à se méprendre ressemblerait au prolongement du pénis du membre. À la différence qu'il n'y a pas de pare-soleil dessus et qu'elle démarre au quart de tour la fuego de Lulu. Voit-on souvent des femmes à 140 près d'une école? Si peu d'entre elles déjantent sous l'emprise de l'alcool. Mais nous les maudits mâles, un mal des mots. Plus lâche qu'un chacal, animal au sang chaud, plus velu qu'une migale, le plus requin des squales, le cœur sous les poils, tout comme l'artichaut. Les maudits mâles, un mal des mots, bellique ou vénal, le mal est souvent idiot, nous sommes les maudits mâles, un mal des mots, pas vraiment cérébral, mais toujours en démo. Les maudits mâles, un mal des mots, bellique ou vénal, le mal est souvent idiot, nous sommes les maudits mâles, un mal des mots, pas vraiment cérébral, mais toujours en démo. Nous sommes les...